Psaume 130. Cantique Mahalote. Ô Éternel, je t'invoque des lieux profonds. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Ô Éternel, si tu prends garde aux iniquités, Seigneur, qui est-ce qui subsistera? Mais il y a pardon par-devers toi, afin que tu sois craint. J'ai attendu l'Éternel, mon âme l'a attendu, et j'ai eu mon attente dans sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus que les sentinelles n'attendent le matin, plus que les sentinelles n'attendent le matin. Israël, attends-toi à l'Éternel, car l'Éternel est miséricordieux, et il y a rédemption en abondance par-devers lui. Et lui-même rachètera Israël de toutes ses iniquités.